cet été. On ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue ici dans votre émission qui est la même en vacances. Et oui, on vous accompagne, on est là et on est en très très grande forme. Alors aujourd'hui, ça va être complètement dingue. Je vous le dis, j'ai préparé toute l'après-midi parce que je me lève à midi. Non, j'arrive au bureau à partir de midi. On a préparé toute l'après-midi des surprises pour vous. C'est l'avant-dernière de la saison. On va se marrer comme des dingues. Mais d'abord, en parlant de dingue, voici la magnifique. Enfin, heureusement qu'on a la radio. Allez. Voici Flora Schaap. Bonjour tout le monde. Il faut savoir. C'est une belle première. Il faut savoir que. C'est ma deuxième. C'est sa deuxième. Il faut savoir que Flora, elle est en train de régler son micro, mais à l'antenne. Et comme tout est serré, le truc ne bouge pas, alors elle s'acharne dessus. Tu vas bouger, saloperie. Alors du coup, on l'entend crier au fond du studio. Micro de merde. Non, ça va. Si tu veux, je coupe ton micro, tu le règles comme tu veux. Non, ça va aller. Je vais rester penchée comme ça, comme une poule pendant toute la soirée. Une poule. Écoutez, je pense qu'on fera pas pire aujourd'hui. Mais attention, voici, en exclusivité pour vous, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On n'a encore rien dit. C'est sa toute première radio en FM aujourd'hui, enfin de sa vie même tout court, je pense. Voici Johan avec nous. Bonsoir à tous. C'était une bonne première. Hein. Voilà. On se retrouve la saison prochaine. Et bah, bien sûr que non. Bah voilà, à plus. Ah, j'ai réussi. Voilà, elle a réglé son micro. Lui, il bon, a. Il la a première des... fois, je suis au taquet. Là. Voilà, c'est ça. Et je vais vous apprendre dans 5 minutes à parler dans le micro. Excusez-moi Thomas, on est en direct? On est en direct. Ah, d'accord. Oh putain, qu'il est grand. T'es trop, je le savais. L'émission va être très très longue, je vous le dis. Mais ça va très très bien se passer, comme vous l'entendez. Bon, on a amorcé la chose, tout le monde a dit bonjour, elle boit son Caprisonne à l'antenne. Donc c'est bon, on est bon, tout est dit. Est-ce que vous êtes tous les deux en forme? Ouais. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous êtes tous les deux stressés? Non. Oui. Ah bah je suis direct, hein, écoute. C'est un sur deux en fait. Ah, je suis fan. C'est la règle des oui, non. Voilà, c'est ça, d'accord. Et on va apprendre tout de suite en direct que des problèmes d'orthophoniste, ça arrive à trois personnes en même temps. Et vous allez voir, c'est complètement dingue. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à voir? Un tas de trucs. Non, vous marrez pas, c'est vrai. On va vous parler de l'actualité, on va vous parler de hot dog, on va vous parler de. Qu'est-ce qu'on a encore? On va vous parler de chiots, de. Oh, des toutous. Oui, d'une boulette qu'a fait Sony. Oui, ils sont mis à la cuisine. Ah. Et... Oh là là. Écoutez, je me suis mis à votre niveau. En plus, c'est deux hôteliers aujourd'hui, attention. Oui, ouais. C'est pour ça la blague. Hot dog, boulette. Voilà. La haute gastronomie, comme on voit. Je vous invite au McDo. Et moi avec ma mousse au chocolat. Ta mousse... Sans œufs. Quoi, t'as fait de la mousse au chocolat? Oui, sans œufs. Où ça? Ah, tu l'as pas avec toi? Je l'ai pas amené, non. Donc, non. Tu nous fais baver, mais tu es égoïste, elle a pensé qu'à sa gueule en fait. Tu vois, j'ai pas un petit pot de mousse chez moi, mais je me suis pas dit, je vais en amener. Hein. D'accord. T'es trop sympa. Ouais, je sais. Non, sérieux, c'est pour un gros repas de samedi. Un gros repas de samedi. Est-ce que tu le vois, le gros repas? Elle a cuisiné ça avec... Et toute son équipe. Allez, bon. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est prêt à chanter? Jésus, Jésus. Bien sûr. Okay. Merde. Voilà, merci Jamy. On est bon, on est sur l'autoroute de la rigolade. Ça va être parti dès que j'aurai retrouvé toutes mes fiches. Ah oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Antoine. Un ami d'ailleurs à moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je connais Antoine. Bah tout le monde connaît Antoine. Oui, c'est le prénom le plus basique. Et le plus courant. Et le plus courant. Mais c'est vrai. Et c'est belge. C'est pas belge, Antoine. J'en sais rien, c'est romain, c'est tout ce que je sais. Moi, la seule fois où j'ai entendu Antoine pour la première fois, c'était... Est-ce que tu vois le saucisson qui a été fait par Antoine? Je vais te le montrer, mais fais attention, il pique un peu. Voilà, c'était la seule fois où j'ai entendu Antoine de ma vie, donc voilà. Ah. marin. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle un aléa du direct. Donc, il vient d'arriver depuis 5 minutes à l'antenne et il vient de me moucher. C'est pas grave. Là, début à tout. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, bah, je vais en tuer un d'ici la fin de la saison, c'est pas bien grave. Il reste plus que 2 émissions. Ne pointe pas Flora. Non, par la fenêtre. Ah, par la fenêtre, d'accord. Oui, il y a peut-être moyen. Il fait une chaleur ici de fou. Il fait, attendez, je vais vous dire, il fait quand même 27 degrés. Je ne vais pas tenir, moi, je vous le dis. Pas un striptease, hein. Il est en train d'enlever sa veste, c'est pas bien grave. C'est pas mieux que Flora qui est en train de boire son truc à l'antenne. Écoutez. Avec une pince en main. Voilà, avec une pince en main. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais avec une pince en métal en main? Je sais pas d'où elle vient. Ça une pince coupante en main. C'est pour te défendre, ok? Oui. T'as du bricolage à faire? T'as mes mousses au chocolat un peu. Qu'est-ce que. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Vous rendez compte, on est même pas à un tiers de. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais du bricolage. C'est dommage qu'on n'a pas l'image, franchement. C'est vrai, ça. C'est vrai qu'on n'a pas. C'est dommage qu'on n'a pas l'image. Arrête de. Elle est en train de massacrer une canette de coca avec la pince en métal, là. Confisquer, tu donnes non, la pince. Non. Tu confisquer, tu donnes. Elle l'a mise entre ses jambes pour vous dire. Pour vous dire à quel point elle y tient. C'est une très grosse émission ce soir. Là, je vous le dis, je le sens pas. Il y aura le jeu des 5 mots. On va jouer avec un Antoine au téléphone. On a, je pense, énormément de choses à faire. Je sais pas comment on va tout caser jusqu'à 22h. Il se peut qu'on déborde un peu. Enfin, c'est pas bien grave. Vous êtes tous venus en voiture. Ouais. Oui. Et vous vous êtes garés chez les voisins? Non. Au studio, moi. Parking privé. Et toi? Au parking public. Public, c'est chez les voisins. Parce que monsieur ne sait pas faire une marche arrière pour venir se garer. Non, c'est pas ça. Vous êtes dans Jadoul, toujours en direct dans votre émission qui est là, même en ce samedi. Non, j'allais dire on est samedi, on n'est pas samedi du tout. Non, on est jeudi. Merci beaucoup. Voilà, encore une fois, je me fais moucher, c'est pas bien grave, c'est une belle soirée aujourd'hui. Allez, aujourd'hui c'est quand même l'avant-dernière de l'émission, oui. L'avant-dernière de la saison. Et qui dit avant-dernière dit une exclusivité. Voici un grand artiste qui a collaboré avec Hilar FM pour nous faire un disque. Bon, à la fin, j'ai eu un petit peu mal à la gorge. Mais t'as fait ça quand? J'ai fait ça aujourd'hui. Oh enfin, il y a 2 heures. Il y a pile 2 heures. Comme ça, on voit que le producteur est très pro. Il fait ça 2 heures avant le jeu. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et j'en ai encore 3 autres. Oh là là, ça pue. J'en ai 3 autres. Moi, je pose mon préavis grève. Allez, vous êtes dans Jadoul. Belle soirée à vous. Du lundi au jeudi, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Et oui, c'est bien vrai ce qu'il dit, car vous pouvez nous appeler au plus 32 49 9 15 75 pour communiquer avec nous directement, en direct, à l'antenne. Directement, en direct, c'est pareil, je pense. Oui. Enfin, techniquement. Tu te répètes. Je me répète, mais comme toujours. Et sache que les gens qui se répètent sont des gens qui... J'ai pas de suite à cette phrase. Mais figure-toi que c'est quelque chose de bien. On va faire les news de la semaine, si vous le voulez bien. Johan, c'est-à-dire qu'il a posé sa main sur le bureau. J'ai l'impression que quand il va la détacher, il y aura encore la silhouette de la main dessus. Pas du tout. Je regarde ton talent. Mon talent. Ouais. Tu vois quelque chose que tu vas beaucoup, tuer. J'ai beaucoup de conneries un peu à la radio. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, vous venez d'entendre les derniers mots de Johan à l'antenne. Bon, alors... Je ris. Bon, alors, on va vous faire écouter, on va surtout vous faire jouer à la cassette à Jajadoul. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça comme ça. Ne me demandez pas. Hein. Est-ce que tu peux lancer le jingle, Flora? Ouais. Bah, lance le jingle de la cassette de Jadoul. Ding. Mais non. Et tout de suite, on passe à la cassette. Et Johan va te le faire. Il va te prouver que toi, en une émission, t'as pas appris ce qu'il fallait. Vas-y. Voici le jingle de la cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'était pro, c'était beau, c'était magnifique. C'est la cassette de Jadoul. Qui dit? Qu'est-ce qui se passe? C'est la cassette, finalement, j'ai compris, la casa. La casa. La casa de papel. C'est bon. Oh, oh qu'est-ce qu'on s'amuse ce soir. Ma première et ma dernière. Non, t'es encore là samedi, toi. Ah, t'es là pour la dernière. Allez. Oh, moi pas. Je t'en prie, on peut lancer la cassette du jour. À vous de deviner le son. C'est parti. C'est parti. C'est qui qui a arrêté la cassette? Merci. Voilà, donc à vous de trouver. Je pense que dans le studio, ils ont tous trouvé les initiales du chanteur. Non. BM. BM, et toi, t'avais ça aussi? Ah non, elle avait pas ça aussi. Ah si, si, oui. Ah non. Non, j'ai avec ça avec un autre. Si, j'ai bien fait d'interroger Johan en premier. Allez. Mais, oui, si, si, c'est si, lui. D'accord. Alors, on reçoit des messages au standard qui dit Johan, on dirait qu'on l'entend de très loin. Oui, c'est normal, écoutez ce qu'on a enregistré de lui. Et salut à tous. Donc là, on se retrouve en direct dans ma salle de bain. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas moi, je me doute bien. Il a regardé tout le monde en mode non, mais j'ai dit ça moi. Non, mais non. Elle avait compris. Ok, ça va. Ok. Bon. J'ai très très chaud les amis. On va passer tout de suite. Il est temps d'ailleurs, je pense, de faire les news de la semaine du jour. C'est parti. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser. Ah merde. C'est les news de la semaine. J'ai juste oublié. On est en direct. Non mais j'ai juste zappé complètement. J'ai oublié de faire la séquence avec les Antoine. Mais c'est pas grave, on va le faire juste après. Bonne fête, si vous vous appelez Antoine, appelez-nous plus 32 49 9 15 75. Bref, on y va. Aux États-Unis. Quand tu dis 75, c'est 60 et 15. Ah, pas 75. Non, voilà, d'accord, on a compris. On a compris. Bon, allez, on enchaîne. Aux États-Unis, un homme avale, et je vous laisse deviner combien de hot dogs en 10 minutes pour battre son propre record mondial. On part pour 30 secondes, c'est parti, à vous de jouer. 600. 600, t'es malade, toi. Dans un estomac, ça rentre pas. 100. 100, moins de 100. 80. C'est juste pris ici. 80. Moins. 75. 75, moins. 74. Bonne réponse de... Flora, avec nous dans le studio. Donc le point est pour toi, félicitations. Oh yeah. En fait, la tactique de Joey Kensnut consiste à ingurgiter les saucisses deux par deux. Pas de pain. Mais pourquoi? Ça vient comment l'idée de faire ça en fait? Mais je sais pas comment ça lui est arrivé, mais en tout cas, bravo. Mais c'est surtout en Amérique que ça se passe. Ouais, bah oui. Voilà, donc la tactique donc c'est d'ingurgiter les saucisses deux par deux et de tremper le pain dans l'eau avant de le manger. Ah bah oui, c'est plus fondant. En 12 ans, Joey Kansnu vit sa 11e victoire chaque année à l'occasion de la fête nationale américaine, ce qui était évidemment hier. Ça va vous? Ils sont au bout du rouleau, les deux. L'autre, elle fait de nouveau la machine à écrire, elle est là. Et là, on l'entend, elle fait... Voilà, c'est reparti. Bravo. Bon. On peut revenir à nos moutons? Non, ok. D'accord, si tu veux, on t'attend, on n'a que ça à faire, on va lancer un petit bed. Voilà, c'est quand tu veux. Bonjour auditeurs, il est 22h. Et Flora s'est calmée. Non, on peut reprendre. Merci. Donc, ça va être très très long. Alors, je donne une petite note à Joanne. Si tu retires le casque, on t'entend quand même à l'antenne. Parce qu'il se dit, je suis en train de me marrer, alors je vais retirer mon casque pour pas qu'on m'entende. Alors il est là, il retire le casque. Alors, on l'entend. Mais tant mieux, c'est mieux qu'on t'entende à l'antenne. Je préfère. Mais c'est la première fois dans toute ma vie, en 3 ans, que je le vois rire silencieusement. C'est dingue. C'est dingue aussi, oui. C'est dingue. Tu t'es entraîné avant de venir? Ouais. Ah ok, d'accord. 2 heures. Toi aussi. Moi aussi. Donc, on en était où? Voilà, vous m'avez perturbé. Bah bravo, félicitations. De rien, c'est gratuit. Voilà, alors le champignon. Le champion a avalé 74 hot dogs en 10 minutes seulement, battant son propre record du monde et... C'est 2 de plus que l'an passé. Il dit « J'ai trouvé un bon rythme », a expliqué l'Américain de 34 ans. « Je me sentais bien aujourd'hui après avoir avalé 74 hot dogs », soit dit 74 pour nos amis français. C'est dingue, juste dingue. Qui pourrait, ici dans l'équipe, manger 75 hot dogs ? J'ai déjà du mal à en manger, hein. Pardon ? J'ai déjà du mal à en manger, hein. D'accord. Et toi, non ? Non. Un, ça va ? Oui, un, ça me suffit. Moi, je vous le dis, quand je vais, par exemple, à la mer, il y a un stand de hot dog, je peux passer 5 fois dans le stand pour me resservir, j'ai tellement faim. Je trouve que ça ouvre la faim, moi, je sais pas. Non ? Je suis non. Le seul ? Non. Ouais. Ah non, mais c'est pas du tout bourratif, je pourrais en manger 30. Ce qui explique mes petits problèmes. Qu'est-ce qu'on en... Effectivement. Puis même moi, rien qu'à savoir comment c'est fait, ça me dégoûte. Ben, tu sais, c'est... On va garder ça secret, comme ça j'ai encore le plaisir d'en manger. Ça te va ? Non, si tu veux, je te raconte. Hors antenne, et je gardais mon casque. Ouh. Ça te va ? Ça va. Ok, allez, on enchaîne. Donc ça, c'était à propos de hot dog. Donc, c'est complètement dingue. Si vous, vous avez déjà battu un record à la con comme ça, bah dites-le nous, plus 32, 49, 9, 15, 60 et 15. On va faire un petit quiz en mode Coupe du Monde, le CM mondial. Demain, qui c'est qui joue, Johan ? Brésil-Belgique et France-Uruguay. Elle a changé, Johan. Elle a pris un coup de féminin. On y va tous les trois là au match demain ? Oui. Ouais. Ah ben voilà, ça c'est fait. On prend nos rendez-vous à l'antenne. Ouais, parce que ma patronne, ouais, m'a donné... C'est génial ! Congé ! Ouais ! C'est dingue. Et comment on dit qu'on va répondre ? Ouais, bref. Pas qu'est-ce que t'as dit ? Orthophoniste ! Orthophoniste ! Alerte, voilà, on a découvert... Écoutez bien ça, ça s'appelle l'alerte orthophoniste. Et on la passera à chaque fois qu'on en aura besoin. Donc tout le temps. Voilà. Donc qu'est-ce que tu disais ? Je ne sais plus. Merci beaucoup. Putain, j'en peux plus. ça va être très long. Donc, à propos de la Coupe du Monde, je vais vous parler de Neymar. Et pourquoi est-ce que Neymar, on parle de lui en ce moment ? Quelqu'un sait ? Oh là là, oh, ça m'énerve. Qu'il simule ? Oui, arrête, ne parle pas du, je vais m'énerver. Bah, justement, je vais en parler alors. je peux, j'ai l'autorisation ? Non. Bah, trop tard, je le fais quand même. Alors, c'est tout simplement, on a calculé le temps, ne lisez pas sur ma feuille, on a calculé le temps qu'il a passé à se rouler au 14 sol. 14 minutes. Il a lu ma feuille. Non, je promets que non, je le savais, je l'ai vu sur Facebook. Ah d'accord, voilà. Il le a passé... Pire. C'est toi, quand ? Ah ouais, non, alors, je vais t'expliquer ma grande, ici, on est chez moi, dans mon émission, de 20h à 22h, j'ai le droit de vous fermer le clapet, donc merci. Je disais donc que Neymar a passé énormément de temps à se rouler au sol depuis le début du mondial, soit dit 14 secondes, et donc une chaîne de télévision suisse a chronométré tout ce temps-là, que le joueur brésilien a passé à se rouler par terre, et d'ailleurs... Quelle société s'est foutue de la gueule de Neymar ? Je sais pas ça. Tu sais pas ? Non. C'est tout simplement KFC. C'est sérieux ? KFC hein ? A fait une pub de Neymar qui se roule sur la pelouse du stade et qui se roule en dehors du stade. Voilà. Et qui sort carrément du stade jusqu'à arriver à se rouler dans un KFC. Et là, il se relève et il fait « Bonjour, je voudrais ça ». Voilà, donc voilà. Oui, peu... si. Mais c'est vrai hein, qu'il s'est vraiment roulé comme ça à terre. Mais, enfin, oui, pas juste au KFC, mais... Mais il est réputé pour faire ça. Hein. Mais c'est pour ça que je n'aime pas, en fait. Et que j'espère juste que demain, sa cheville soit cassée ou quoi que ce soit. Et qu'on ne joue pas avec lui. Il joue pour les Brésiliens ? Ben oui. Oui, je suis con. Il est assez fort. Ouais. On est comment au niveau Coupe du Monde, sinon Thomas ? Très mauvais, très très mauvais. Ouais, je vois ça. Voilà, merci. Et dans la France, tu sais au moins qu'il y a Antoine Griezmann. Oui ! Celui qui fait la pub pour les rasoirs. Voilà. Il a un beau cul, hein ? Non, oui. Il faut savoir que Flora, elle va uniquement au match pour mater le cul des joueurs. De comme bizarre. Beaucoup de filles. Hein, hein. Comme beaucoup de... Bah, pas tout. Ou de mecs. Hein, Thomas ? Oh, moi, j'en dirais plutôt un autre. Je reconnais un qui va pas finir l'émission. Non, donc voilà, non, c'est assez dingue et donc je tenais à vous en parler aujourd'hui car ça c'est fou. Je vais juste vous dire quelque chose, c'est la première fois que l'imprimante du bureau déconne autant. Là ici elle nous fait des espèces de bah, cernes. C'est beau, ça fait un petit décor. Ça fait un petit motif sur la feuille. Et alors le plus drôle, c'est qu'elle déchire les feuilles carrément. Donc là, j'ai des confettis de feuilles. Du coup, vous avez compris le budget de l'émission. Vous devez recoller les morceaux de la page pour faire une page complète. C'est ça. Non mais on a claqué tous nos sous aujourd'hui car on a produit plein de sons. Notamment, si vous le voulez bien, on va s'en faire un maintenant. Comme ça, on se l'écoute ensemble. C'est pour nous, c'est cadeau. Voici. encore un nouveau son qui nous rappelle que c'est l'avant-dernière aujourd'hui. Voilà, donc petit message à tous les coachs vocales de France, vous pouvez venir m'appeler ici en direct pour m'insulter. Bon, non, c'est plutôt pas mal, ça va vous rester en tête, vous allez voir d'ici la fin de l'émission, vous l'aurez en tête. Je l'ai déjà en tête. C'est l'avant-dernière, l'avant-dernière, voilà, j'ai chanté au bureau toute l'après-midi, j'ai saoulé tout le monde. Bon, allez, on va enchaîner dans quelques instants, mais d'abord on va s'écouter un peu de musique, ça vous dit ? Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi t'as volé mon téléphone ? Regarde, parce que t'as un snap de la meilleure. De la meilleure. Non, non, ça s'appelle Flora. C'est aucun rapport. Mais non, moi je t'en parle d'une autre. Ah. Non. Non, mais j'ai mon écran rempli de notifications, donc ça peut être tout le monde. Attention, attention. Non, mais écoute, monsieur est connu. Mais non, mais pendant l'émission, je ne vais pas sur mon téléphone, c'est un principe. Ok, d'accord. Contrairement à Flora qui peut prendre des snaps durant l'émission, ce qui fait que en prenant le snap, elle prend du recul, donc elle s'éloigne du micro. Et après, elle commence une phrase, mais elle se rend compte qu'elle est pas près du micro. Félicitations pour tout ça, Flora. En tout cas, tu as prouvé que au niveau radio, t'es assez calé. Et j'espère que tu vas t'améliorer parce que j'ai écouté la précédente et j'ai justement envie de voir l'évolution entre la précédente et aujourd'hui. Ok, c'est bon, je touche plus mon téléphone. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants, toujours dans Jadoul. Il est 20h25. J'espère qu'on vous accompagne si vous êtes dans les bouchons ou quoi. On reste là, on ne bouge pas, même en vacances. Vous êtes sur Ilar FM. Je suis fan, j'adore ce titre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer un jingle. Cet été, on ne vous offre pas deux, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Alors, ma grande, vous avez un problème avec votre micro. Vous voulez de l'aide, peut-être ? Attends, ne touchez pas tous à vos micros, je peux pas tous les réparer. Donc, attends, là, je vais me lever en direct. Je vais aller réparer ton micro qui est en train de se casser la gueule. On fait tout en direct, c'est pas grave. Mais voilà. Oui, mais... Alors, on prend ça, on le refait comme ça. Il faut pas oublier de rappeler que nous sommes en direct, bien sûr. Mais non, ça a baissé. Regarde, je suis de nouveau comme une poule. Tu fais chier, toi, vraiment. Attends, voilà. Mais non, le truc là, il était plus haut avant. Mais ça, je m'en fous. Voilà. Merci. Bon, c'est bon, plus rien. Je dois pas réparer un congélateur quelque part. C'est bon, je suis tranquille. Bon, alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais essayer de rebrancher mon casque parce qu'il est en train de se... faire la malle. Oui. Le vôtre aussi, je pense, oui. Je pense que c'est le distributeur de casques qui m'a dit bonsoir, voilà. Ok, est-ce qu'on a tous les casques ? Oui. Oui. C'est parfait, moi aussi. Bon, on va appeler tout de suite un Antoine pour faire le jeu des 5 mots. Si vous le voulez bien, je vais reprendre le standard téléphonique que j'ai sûrement perdu quelque part. Voilà, je l'ai. On y va. Je compose un numéro, mais d'abord, voici le jingle. Qui en trouvera le plus face au chrono ? C'est le jeu des 5 mots. Et on appelle un Antoine. Je sais pas du tout dans quel coin de Belgique. Hein. Merci, madame. Oui, il y a 3 jours, on m'a fait « Oui, madame, qu'est-ce qui se passe ?»« Mais non, c'est monsieur, moi. »« Non, non, c'est madame. » D'accord, ok. Oh, j'espère qu'on sera pas chaud noir comme hier. Hier, il n'y avait pas moyen d'avoir quelqu'un au téléphone. Et la seule personne qu'on a eue, elle a été très aimable. Elle a fait « Bon, c'est la radio ?»« Oui, c'est la radio de où ?»« Bah, de la province de Luxembourg. »« Ah, non, j'aime pas. Au revoir. » Voilà, ok. Donc, c'est très sympa. Bon, bah, visiblement, ça ne décroche pas du côté de Charleroi. On va encore appeler... Charleroi. Oui, j'aime bien les gens de Charleroi. Ils non, ont on appelle Namur. Namur. C'est pas parce qu'il y a ton crush à Namur que je vais. Un de ses crushs. C'est super frais ce qu'elle a fait à l'antenne, là. Oui, elle fait. Non, mon crush à Namur. Un bon gros mot là. Merde à glaire. Merci, Flora. C'est d'une fraîcheur, mais incalculable. Tu la supportes depuis combien de temps, toi, Johan ? Depuis combien de temps tu connais Flora ? Trop longtemps. Trop longtemps. Voilà, je pense. Et le numéro termine par 69. C'est parti, on en appelle. Moi, je crois que je vais partir. Allez, la sonnerie peut-être malade encore une fois. Cette Namur. Manage. Non, ça c'est pas Namur. Non, pas du tout. C'est où ? Je sais pas. Oui. Allô, bonsoir monsieur. Oui. Vous allez bien ? Qui êtes-vous monsieur ? Nous sommes en direct à la radio monsieur. Comment ? Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio Ilar FM. Qui êtes-vous ? Ben, Jadoul, j'anime cette émission depuis un an maintenant, en direct. En direct à la radio ? Oui, nous sommes en direct, là. Et c'est quelle chaîne ? C'est la radio Ilar FM dans la province de Luxembourg. 106.9. Oui. Mais moi, je suis occupé à regarder RTL maintenant. Ah, ben, on les embrasse aussi, RTL. Mais par contre, c'est la fête des Antoines, il me semble. Et comme vous êtes à Antoine, on tenait à vous appeler pour vous souhaiter une bonne fête. Merci, c'est gentil. Bah voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. Merci beaucoup, monsieur. Juste une petite question, justement, comme c'est votre fête, est-ce que vous voulez jouer avec nous durant 30 secondes au jeu des 5 mots ? Jouer avec quoi, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on vous donne un indice et vous jouez avec nous pour deviner le mot qu'on vous fait deviner. Allez-y. Allez, c'est parti, on y va pour 30 secondes. On y va, top ! Alors, c'est quelque chose qu'on a dans les champs qui sert aux agriculteurs en milieu rural. Je sais tout faire. Ça, je ne connais pas. C'est un... Bon, c'est pas grave, on passe. C'était un tracteur. C'est quelque chose qui sert à alimenter en chaleur une maison. Qu'est-ce que c'est ? Le charbon ? Non, pas le charbon. Le gaz. Non, avec des tuyaux, c'est métallique. C'est métallique. Très bien. Alors, c'est à moi de vous poser une question maintenant. Ah bon, bah, si vous voulez, mais en fait, on en a cinq à vous poser et c'est le jeu des cinq mots, tout simplement. Bon. Comment s'appelle l'individu qui a reconnu Louis XVI à Ménéhul et qui l'a dénoncé, alors que celui-ci prenait la fuite pour aller à l'étranger ? Je vous avoue que je suis pas du tout doué en histoire. Ah, eh bien. J'ai pas fait animateur radio pour rien, vous vous doutez bien. Ben, ça ne fait rien. Ben, ça ne fait... Mais dites-le moi, comme ça j'aurai élargi un peu ma culture ce soir. Attends, un petit peu. Drouet. Jean-Baptiste Drouet. Ah, d'accord. Ok. Ben voilà, comme Jean-Baptiste ça... Drouet. Comme ça je il le a sais. Reconnu Louis XVI. Il se suivait, il s'en allait en Argonne, il se trouvait avec personne, sa femme, l'amant de sa femme et les enfants. D'accord. Il l'a dénoncé et lui est arrêté. Okay. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Allez. Belle soirée à vous. Hein. Et encore... hey, alors, il y a encore un autre. Ah, ben c'est génial. Vous connaissez le tracteur cheval ? Le tracteur cheval ? Oui. Oui, ben c'est ce qu'on utilisait dans le temps, normalement, dans les champs. Le facteur cheval ? Non. Ah, le facteur ? C'était un bonhomme qui habitait à Autrive. Ah. Et c'était un facteur. Et il ramassait des cailloux en faisant sa tournée. Et il a construit le palais idéal. Voilà, tout un monument. D'accord. Facteur Ferdinand Cheval. D'accord. Facteur Cheval. Ah ben voilà, mais je suis ravi de... Ah ben, ça existe. Mais... Ma fille, moi je n'en ai pas vu, mais ma fille l'a vu. Le palais idéal. Et même sa tombe, il l'avait construit avant. Voilà. Mais je vous remercie, monsieur, c'est très gentil. Vous êtes prof d'histoire ? Vous êtes prof d'histoire, non ? Non, n'oubliez pas, Ferdinand Cheval. D'accord, ok, je note. Je vous remercie, monsieur. Dans la drôme, à vous triffe. Allez, à bientôt, monsieur. Merci. À bientôt, au revoir et encore bonne fête. Alors, j'ai pas compris. On rappelle que l'abus d'alcool est à consommer avec modération. L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Et merde. Johan, il va se cacher. Ah, mais... C'est pour les enjeux. Juste, j'ai rien contre ce monsieur. J'ai beaucoup aimé la manière dont il nous a parlé. Mais... Je vous avoue que j'ai pas compris dans le délire dans lequel il est parti. Mais personne, je pense. Mais Ferdinand Cheval, hein, vous retenez. Hein. Ma fille l'a vu. Oh, je suis fan. Bon... Ça c'est fait. Au moins il était gentil. Il était gentil, mais résultat, j'ai même pas fait mes 5 mots, j'en ai fait 2. Il m'a interrompu, il m'a dit je vous pose une question maintenant. Il est devenu animateur en moins de 2 minutes. Voilà. Il a été même plus vite que Johan. Bon, allez. C'est gratuit ? Ouais, c'était gratuit. Non, mais c'est parce que je t'apprécie beaucoup que je t'ai dit ça. Bon, là, je pense qu'on doit juste souffler un peu, aller chercher à boire parce qu'on a tous soif après ça. Il y a Joanne qui fait pendre sa langue sur le micro. Il est en train de baver dessus. Heureusement qu'il y a une bonnette. Non, je ris. Bon, ça va être très très long comme soirée là. On entend encore un nouveau son qui dit que c'est l'avant-dernière ou pas? Oui. Allez. Quoique, non, on va le garder pour après la musique. Comme ça, je tease un peu. Ramener du monde devant la radio. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire quand on écoute la radio? Là, Jadoul, en ce moment, il faut faire quoi sur les réseaux sociaux? Ah, faut prendre une photo et nous l'envoyer. Comme voilà. Ça. Sur Snap, Instagram, ce que vous voulez. Comme ça, on voit un petit peu dans quelles conditions vous écoutez la radio. Et ça, ça nous fait toujours ultra plaisir de voir un petit peu dans quelles conditions vous pouvez entendre nos conneries et les personnes qui nous parlent. À Florachab, bien sûr. Voilà. Et les personnes qui nous parlent de Ferdinand Cheval. C'est important. La fille, elle a été le voir. Merci beaucoup. Avec l'accent luxembourgeois, c'est encore mieux. Bravo à toi. Allez, on vous souhaite une très belle soirée et merci d'être dans Jadoul. Enfin, dans moi. Non, on se calme. Vous êtes... Vous écoutez la RFM, bref. Belle soirée. Toujours en direct. J'espère que vous passez une très belle soirée avec nous. Et les amis, je vous annonce une très très bonne nouvelle, je pense. Flora déjà a réparé son micro. Donc là, ça va. Bonjour. Voilà, on est nickel à ce niveau-là. Joanne, ton micro, il fonctionne? Toujours. Voilà, donc on est au top. Oh, maintenant. C'était le moment des... Et le moment je vous propose qu'au lieu de lancer un jingle comme on en a l'habitude, genre, vous les connaissez de toute façon, genre ça. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. On se fasse un des nouveaux sons qu'on a composé cet après-midi. Allez, vous êtes chaud? Oui. Allez, toujours. C'est parti, nous. On y va. Ah, c'est génial. Oh, c'est la meilleure. Il faudra, à mon avis, que d'ici la fin de l'émission, on prenne les quatre et on décerne le meilleur. Ouais, comme ça, je sais ce qu'il faudra éviter samedi prochain. Celle-là. Ça, okay. C'est dit. Ça, allez. C'est fait. Merci beaucoup. Bon, on en était où? Qu'est-ce qu'on se fait? La cassette de Jadoul, on va vous la répéter à nouveau. Tout ça va bon, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Flora, explique-nous, débrief. Mais nom de Dieu! J'aurai votre peau, hein! Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-moi. J'ai failli éternuer. Alors j'ai fait comme ça, avec mes mains. Et puis... Ah oui, il n'y a pas. J'explique, c'est à la radio en fait, on ne te voit pas. Bien sûr, on va être hilar. Ouais, je pense, ouais. Allez. En fait, j'ai fait aller mes mains comme un pingouin, parce que j'allais éternuer, du coup, il y a Joanne qui s'est pété en fou rire. Mais elle a tellement de mimiques, c'est très drôle. Je vais craquer! Pardon, excusez-moi, j'ai un petit spasme, mais ça va aller. Oh, Fred, mais t'es où? Je suis là. Pas là. En haut de la falaise. Coucou. Pas là. Est-ce que tu m'obliges à repasser ça? C'est la dernière. Ouais, c'est bon, on a compris. C'était énorme. Merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on peut passer au... Qu'est-ce qui se passe? Bon, ta fille, pose cette pince. Pose cette pince. C'est pas moi. Pose cette pince. Et la cassette, la canette qui va avec. Elle a un hochet, ça y est, elle est contente. Elle s'est faite un hochet avec... Elle est en train de dégommer une pauvre canette qui n'a rien demandé à personne. Je vous jure, je m'énerve. Je commence à m'énerver. Aïe. T'as mis la pince où? Elle va te rentrer dans le cul, fais gaffe! Ils sont en direct, n'oublions pas. Et ils ont lancé la pince par la fenêtre. Voilà, j'ai lancé la pince par la fenêtre. Par la fenêtre, oui. Du studio. Qui est au premier étage, faut pas oublier. Je dis quoi pendant quelques instants. Voilà, je suis en train de toucher à tout. Et la canette aussi. Merde, voilà. Elle est rentrée dans le studio. Je m'en fous, elle finira par la fenêtre, cette canette également. Comme toi, finalement. Comme toi. La deuxième fois que je me lève, c'est toi qui passes par la fenêtre. Bon, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est calmé? Merci. Ouais, bon, allez. et on me dit que c'est trop long. Ouais, je suis d'accord. Ouais. J'ai soulevé Flora, j'ai soufflé. Oh, connard. Allez, est-ce qu'on peut passer à la suite des news de la semaine? Non. Merci beaucoup. C'est très incertain et assez flou. Je suis d'accord. Allez, on passe aux news de la semaine. Top. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et dans les news de la semaine, comme d'habitude, on va vous parler d'un couple qui a fait un truc de dingue. Ils ont failli... Donc je vais essayer de vous faire deviner qu'est-ce que ces jeunes mariés ont évité de justesse. Attention, vous avez 30 secondes, c'est parti. Merci. Ah oui, d'accord. Bah écoute, réactivité zéro. On est en train de réfléchir. Bah oui, là. Bah, ils ont évité de se marier. Non, c'est aux États-Unis. Ah, du coup, c'est loufoque. C'est loufoque. Oh. Oui. Vraiment. Quelque chose allait s'abattre sur eux. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, j'en sais rien. Un orage. Un arbre. Presque. Un tronc d'arbre. Oui, une branche. Belle réponse. C'est une branche qui a failli s'écraser sur eux. Ce couple de jeunes mariés américains se souviendra longtemps de son mariage. Alors que des mariés tournaient le film pour ce jour si spécial, ils ont échappé à ce qui aurait pu leur coûter la vie, étant donné que la branche d'arbre est passée à quelques centimètres d'eux. Et donc ce moment romantique a été abîmé. Mais fort heureusement, Cheyenne et Lucas ont eu de bons réflexes et s'en sont tirés sains et saufs. Merde alors. Donc voilà, il fallait le faire ça quand même. Du coup j'ai un point. T'as un point effectivement, en sachant qu'on ne compte pas les points. Si t'as compté un point pour Flora, je suis désolé. Ah bah alors 1-1. Injustice. 1-1. C'est bon, on est bon. Alors je vais vous faire aussi deviner la suivante, c'est ça? Ouais. Oui. Quelle est la bounette. C'est un mélange entre une boulette et la bounette du micro, on d'accord. Orthophoniste là. Le jingle orthophoniste. C'est pour nous, c'est cadeau. Allez, on y va, 30 secondes. Quelle est la boulette que Sony a faite? Ceux qui me répondent de viande, je le frappe. Des boulettes. Une boulette, ils ont fait une connerie sur YouTube. Je sais pas, non. Ils ont envoyé un film en intégrale sur YouTube au lieu de mettre la bande-annonce. Oh merde. Et en full HD et tout, je peux vous dire que Sony s'est dit un petit peu oups. Et à la place d'envoyer la simple bande-annonce censée éveiller la curiosité, les internautes ont eu accès à la version complète du film Kyle the Killer, un film policier dont C'est quoi ? La fin était prévue fin août. La sortie était prévue fin août. Donc ça, c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe? Il est encore parti le micro. Ouais, mais oui, c'est parce qu'il est comme la personne qui est en face. Il est lourd. Non, je rigole. Oh. Écoute, pour une fois que je pouvais faire un. Ok, on enchaîne. Et donc, je disais que. Ne me regarde pas comme ça. T'auras une nouvelle pince. C'est bon. Alors. Je ris, je m'excuse. Ça te va? Bon, c'est pas grave, comme ça au moins je coupe son micro, on est tranquille. Alors. Non mais. Elle vient de. Voilà, elle a déranglé. Déranglé. Jingle orthophoniste. Merci, c'est gentil. Elle a dérangé tous les micros du studio rien que pour parler dans celui de Johan, c'est pas bien grave. D'ailleurs, si vous avez un orthophoniste à recommander sur la région d'Arlon, nous sommes prêts à vous écouter. Son preneur, on fait des thérapies de groupe. Ça coûte moins cher. Donc voilà, Sony a fait cette. Bof. Oui. Ah oui, moi je parle bien, donc groupe bof bof. Donc un coup de marketing, on ne sait pas, Sony a publié ça comme ça et donc c'est quand même assez dingue parce que quand même envoyer une vidéo qui est une bonne annonce de 500 mégaoctets, ils ont envoyé quand même 12 gigas à la place, ce qui est quand même le film en intégrale. Donc il y a personne qui s'est rendu compte quoi, quand ils ont vu que ça prenait 6 heures à charger sur YouTube. Ils se sont pas dit oh mais non ça ne marche pas, voilà. Donc bref, ils sont un petit peu... C'est Sony quoi. Ils sont ridiculisés. Est-ce que vous trouvez ça normal ou non que Sony a eu ce bug? Est-ce que c'est un coup de pub ou pour vous c'est une vraie erreur et ça arrive? Johan? Non, c'est une vraie erreur, je pense. C'est une vraie erreur? Oui. Ça peut être une vraie erreur, oui. Bah oui, enfin, les gens qui publient les bandes annonces, vous trouvez ça normal qu'ils aient accès au film en entier? Ah non, c'est pas normal. Ouais. Non. Je sais pas. On creusera un petit peu de ce côté-là, je ne sais pas, à suivre, je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Alors, dernière actu avant d'enchaîner avec la suite, ça se passe en Afrique du Sud. Qui a déjà été en Afrique ? Bah, j'étais en Tunisie. T'étais en Tunisie ? L'Afrique du Nord. Ouais, c'est vrai ça. Bravo. Sérieux ? Bravo, Joël. Ah ouais. On est comment en géographie, madame Flora? On en parle de mettre 33 sur 40 en géo. 33 on sur en 40. Parle de comment tu triches? Oui, ah voilà. Putain, en géo, histoire, j'ai même pas triché. T'as la radio. C'est les deux, c'est les deux seuls examens où j'ai pas triché. T'as bon, déjà que t'as les petits beurres, tu veux un café avec? Oui. Ok, d'accord. Allez, donc on parlait de l'Afrique. Excusez-moi. Et on parlait donc de l'Afrique et une femme déclarée morte a eu quelque chose de complètement improbable et je pense qu'elle a fait la peur de toutes les personnes de la morgue. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi il s'agit? Attention, comme c'est très facile, 10 secondes. Bah, elle est vivante. Elle est vivante. Bonne réponse de Johan. 2. J'ai même pas écouté la question. Bah, ouais, t'écoutes jamais rien. Alors, donc c'est simple. C'est une miraculée. Ils disent, nous avons suivi nos procédures. Nous n'avions aucune idée de ce qui pouvait bien se passer à l'intérieur de ce frigo. Mais elle s'est réveillée. Et donc, elle est sortie du frigo en disant qu'elle n'était pas morte. Les secours sont intervenus le 25 juin dans un cambriolage à l'extérieur de Carltonville, en Afrique du Sud. Donc, ils avaient découvert à l'intérieur des véhicules un corps sans vie qu'ils ont placé donc à la morgue dans un frigo. Mais au final, la victime respirait encore et tous les tests qui ont été faits, donc la respiration, le pouls, ont conclu que la patiente était morte alors que elle était vivante et qu'elle s'est réveillée tout simplement dans la morgue de l'hôpital, ce qui a donné une très très belle frayeur à toute l'équipe. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Oui. Moi une fois... Ça vous est déjà arrivé? Ah, toi une fois, vas-y. Non, j'étais voir ma mamie à l'hôpital, puis je vois un lit, mais recouvert d'un drap blanc, sauf qu'il y avait quelque chose en dessous. Je fais, mais c'est quoi ce truc? C'est un gâteau d'anniversaire. Je regarde ma mère, je fais... Hein? Bah Flora, c'est quelqu'un qui est mort. Ils l'ont juste recouvert pour pas que tu vois la tête. Là, il va au funérarium. Ok. C'était très gênant. C'est dingue, la scène est dingue. Dans les deux cas, c'est gênant. Ouais. Non, mais c'est... Mais soit l'histoire ou la radio, c'est gênant. Encore bon qu'il n'y avait pas la famille à côté. J'ai montré le truc du doigt. Je me suis dit, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? C'est E.T. dans le vélo. C'est complètement dingue. Mais je suis sûr, ça a fait comme ça. Elle était là avec sa mère. Et ça, c'est quoi? Bah ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. Soulève le drap. Et c'était un stripteaseur. Merci, Johan. Non, ça va, merci. Un striptease. Je suis sûr qu'un jour dans ta vie, t'as déjà assisté à un striptease. Pas. Bon, ça va arriver maintenant, ne quittez pas. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, non. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Allez, on repasse des vêtements et surtout à la cassette de Jadoul. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est très mauvais ce que j'ai dit. C'est la cassette de Jadoul. Et la cassette de Jadoul, qui l'a trouvée ici autour de la table? À main levée, ça sert à rien, on est à la radio. Moi, merde. Moi, c'est BM. Ils me regardent tous les deux avec des yeux pleins de sincérité en train de faire moi, mais dans leur tête. Moi, je vous aime. Moi, Floracha. Voilà, merci bien, ça fait toujours du bien de les sortir de l'antenne. C'est parti, la cassette à Jajadoul. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la question que je vous pose tout de suite maintenant en direct. Plus 32 49. Oula, je me suis perdu. Plus 32 49 9 15 75. Bon, j'y suis. C'est bon. Allez, on enchaîne dans quelques instants avec la suite de l'émission. Encore un nouveau son qu'on a produit pour vous dans cet après-midi au bureau. Oh non. Oh, arrêtez, vous les adorez. Bon, on va peut-être s'en réécouter déjà d'ici là parce que, à mon avis, ça. Oui, ça nous manque. Ça manque. L'air de rien, ça paraît con, hein. Mais Mais c'est con, mais c'est très con. C'est très con, mais ça apporte quelque chose à l'émission, oui, l'air de rien. Allez, on va encore régler le... Comme les micros qui marchent pas. On va encore régler le micro de Flora hors antenne. On va faire plein de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de s'ennuyer tellement on a de choses à faire. Voilà. Il est assez haut. Bon, je n'en peux plus. Je vous souhaite une très belle soirée. Nous sommes en direct. Et dans quelques instants, encore dit Antoine au téléphone pour jouer au jeu des 5 mots. Belle soirée à vous. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Merci. C'est quoi ces castagnettes à la fin de la musique? J'avais jamais entendu. C'est marrant, c'est bizarre. C'est plus bizarre que marrant. Vous êtes dans Jadoul, passez une très très belle soirée. Enfin, il faut que j'arrête avec ça. On n'est pas dans Jadoul. On est sûr que Jadoul. C'est encore pire. C'est encore pire. Allez, vous m'étouffez. C'est pas grave, on y va. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Ilar FM. Pardon, j'avais juste envie de faire ça. Alors, on était toujours avec les Antoine et oui, et Flora ? En fait, demain, je suis pas avec vous au foot. Ah, t'es pas avec nous demain au foot ? Non, je suis dans un hôtel. Qu'est-ce que tu fous dans un hôtel ? Ben, je regarde le foot dans un hôtel, tu sais, au Van der Waal, Cabellet. Ah, je savais même pas, non. Ah, voilà. D'accord, mais bah, t'habites à Messancy, pourquoi ? Hein ? T'habites à Messancy, pourquoi ? Oui. C'est le Muppet Show là. J'ai pas compris. C'est pas grave. Passons. Moi j'ai compris. Mais j'habite Messancy, parce que j'habite Messancy. Si vous voulez, je vous laisse l'antenne, je vais aller me chercher un café et on se retrouve après. Enfin, c'est vous qui voyez. Allez. Bon, qu'est-ce que je disais ? Oui. J'en peux plus. On va rappeler maintenant tout de suite en direct un Antoine, bonjour, pour essayer de lui faire deviner les 5 mots du jour. Est-ce que vous connaissez des Antoines, vous, dans votre entourage ? Oui. Oui ? T'en connais combien, toi, Joanne ? Fais l'inventaire, là, maintenant. 1, 2, 3, 4. 4 ? Oui. C'est dingue. Et toi Attends, je regarde dans mon répertoire. Je regarde dans mes amis Facebook. Non, dans mon répertoire. Mais parle près du micro, s'il te plaît, Florent. Bah, là, je parle près du micro. Mais si tu l'aurais pas mis si haut, tu vois, t'aurais peut-être plus simple à parler dedans. Mais il est tout le temps en train de redescendre. Là, je me suis dit, je suis peut-être tranquille pour la soirée. Bon, allez, on appelle tout de suite un Antoine du côté de... Je sais même pas où c'est. C'est un bon envie, là. Je ne sais pas où c'est. Allez, est-ce qu'on peut entendre la sonnerie au moins ? Merci. Tout à l'heure, j'ai fait Neymar dans le bureau de prod. J'ai voulu re-signer le contrat. Alors j'en connais 7. D'accord. Des Antoine, au cas où. Hein, voilà, je suis un peu retardataire. Oui. Et donc... Allô ? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Comment ça va ? Qui êtes-vous ? Nous sommes en direct à la radio, madame, sur Ilar FM. Oui, pourquoi m'appelez-vous ? Car c'est la fête d'Antoine et comme, selon votre annuaire, vous êtes Antoine, on voulait vous souhaiter une bonne fête. Ah, bah merci, c'est gentil. C'est gentil comme tout, non ? Est-ce que d'autres personnes y ont pensé avant nous ? Non, personne. Génial, on est les premiers. Donc laissez-moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Laissez-moi vous proposer de jouer avec nous durant 30 secondes au jeu des 5 mots. Ça vous va ? Au jeu des 5 mots. On vous donne des indices et à vous de trouver le mot qui en découle. Allez, on va essayer. On y va, d'accord. Allez, c'est parti. Je retrouve ma fiche car on était sur un autre dossier. Allez, c'est parti. On y va. Le jingle et les 30 secondes. C'est parti. Alors, c'est quelque chose qu'il y a en milieu rural. En milieu rural. Oui. Ça sert aux agriculteurs. Des champs. Oui, et qu'est-ce qu'il y a dans un champ ? Les blés. Oui, mais un outil. Motorisé. Pour l'instant, ce sont les tracteurs. Bonne réponse. C'est quelque chose que le facteur apprécie beaucoup pour y mettre le courrier. Les boîtes aux lettres. Bonne réponse. C'est quelque chose dans laquelle vous mangez. L'assiette. Bonne réponse. Voilà, on arrive à la fin des 30 secondes. Il en restait deux, malheureusement, c'est perdu. Mais je vous remercie, madame, d'avoir joué avec nous. C'est rien, merci beaucoup. Et encore bonne fête à vous et une très belle soirée. Merci, bonne soirée. Elle était toute gentille, celle-là. Ouais, mais 30 secondes, c'est quand même un peu chaud pour 5 mots. C'est chaud, bah, vous savez qu'on en a gagné déjà des 5 mois. Mais c'est le but du jeu. Il faut être voilà, dans l'adrénaline parce que je lui dis ça sert dans les champs, aux agriculteurs, du blé. Oui, il fallait enchaîner plus vite. Mais madame a quand même réussi à avoir un bon rythme. Donc elle a quand même réussi. Moi, je mettrais 40 secondes. 40 secondes. Oui, mais tu vois, c'est ici j'ai 10 secondes ou 30. Hein, je ne peux pas faire à l'appel. Hein. C'est ça le pas problème. Pas ton cri, hein, tu te débrouilles. C'est très gentil ça. Dans quelques jours, ce sera la fin de la saison et très précisément après-demain, nous vous donnons rendez-vous sur Ilar FM pour être avec nous durant cette dernière émission de 20h à 22h, ce sera samedi. Je compte sur vous, ce sera un très grand moment de radio. Ça c'est du teaser. Bon, ça c'est dit. Qui sera là? Je suis perdu dans les jours. Qui sera là samedi, Johan? Moi. Voilà, et Flora, pas là, évidemment. Non, je vais pas le remettre, C'est la dernière. Non, je vais pas le faire. Ouais. On en était où? News de la semaine, c'est vrai. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors, je vais vous faire deviner quelque chose qui n'arrivera jamais ici. Et là, je mets même pas de temps. Qu'on soit drôle? Non. Non, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais ici pour les 40 ans de l'entreprise. C'est quelque chose qui s'est passé dans une société. Le fondateur a fait quelque chose, dites-moi. Ici? À ses employés. Non, ça s'est pas passé ici, justement, ça se passera jamais ici. Non. Parle dans le micro, bordel! Pardon. Qu'on ait une augmentation. Je me suis un peu énervé. Qu'on ait une augmentation? Une augmentation. C'est en rapport avec l'argent. Un voyage? Non. Une voiture de société? Non. Non. Tous les employés ont eu quelque chose de dingue, mais qui est inimaginable, je pense. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, oui. Combien? Allez, million d'euros. Là, on met les 30 secondes. Bah, par employé, ça ferait cher. 1000 euros par employé. 1000 euros plus. 2000. Plus. 3000. Bonne réponse de. De Johan. De... Ouais. Johan, triple alerte. Voilà, c'est. Vous n'avez rien entendu. Bon, allez, on enchaîne. On passe à la suite et je couperai ça du podcast. Bon, alors. On en était où? Oui. Donc. Merde! Mais une étiquette avec ton nom, je sais pas. Johan a remporté ce point-ci, ça fait 3 à 2, c'est ça? 3 à 1? Oui, c'est ça. Bonne réponse. bonne réponse, c'est juste la vérité. Alors, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 600 et quelques employés ont, pour les 40 ans de l'entreprise, reçu un chèque de 3000 euros, ce qui est complètement dingue. Est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que vous trouvez ça louche ou que c'est un beau geste de la part des patrons d'offrir 3000 euros pour les 40 ans de l'entreprise? Non, c'est un beau geste. Oui, c'est un beau geste, généreux. Mais ça sert à rien. Enfin. Bah non, c'est utile, je suis désolé. Donc si vous voulez aller travailler là-bas, c'est bien simple, vous ne pouvez pas. Non, voilà, donc le fondateur s'appelle Francis Gourdon et il a fait cette entreprise qui se trouve dans les Yvelines. Ça vous intéresse ce que je dis? Mais oui, mais en même temps, je fais des conneries, du coup, voilà. Ok. Alors maintenant, Flora va revenir pour 21h10. Je t'en prie, tu peux quitter le studio. Bah, c'est pas une vanne, non, vraiment. Tu vas t'aérer un petit peu, comme ça tu prends l'air. Tu peux aller même rechercher la pince que j'ai jetée par la fenêtre, si tu veux. Elle est dans la rue. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Mais s'il te plaît, zen, détends-toi. Mais je suis fatiguée. Ça se voit à peine. Bon, on enchaîne. Voilà, donc si vous trouvez ce geste sympa, bah envoyez-nous un petit message plus 32 49 9 15 75 ou sur les réseaux sociaux hashtag quoi? Ilar FM. Jadoul, merci. Bon. C'est dingue, merci beaucoup. Parce que je les ai tous les deux réveillés en leur posant une question. Et ils se sont réveillés, il y en a une qui a dit Ilar. Et Johan a suivi Ilar FM. Vous êtes dingue. Donc voilà, les 3000 euros c'est fait. Et on va avoir encore plein de news dans quelques instants. Mais enfin, par rapport à ça, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Parce que ça se trouve, il y en a, ça fait 40 ans, peut-être qu'il travaille là. D'autres, ça fait 10 ans. D'autres, ça fait peut-être un mois. Oui, et il a offert à tout le monde 3000 balles. C'est dingue. Mais c'est un patron généreux, ça arrive très rarement de nos jours. Voilà. C'est un message? Oui. Merci. Je vous emmerde. Bon, avec beaucoup d'amour. On rappelle un Antoine, ça vous dit ça? Mm-hmm. Allez, on va voir si on va encore tomber sur un phénomène. C'est parti, on appelle de quel côté? On appelle du côté de Tournai. C'est pas un... parce que t'enlèves tout le casque qu'on t'entend. C'est pour ça que je parle tout bas. On vous entend quand même, vous savez. Allez, on appelle un Antoine du côté de Tournai et on va essayer de le faire jouer au jeu des 5 mots. Vous faites du mime à la radio aussi? Non, le langage des signes, c'est différent. Le langage des signes, d'accord. Et vous vous dites quoi en langage des signes? Quel me saoule. D'accord, ok. Voilà. Ils vont finir cette émission en sang. On appelle tout de suite un Antoine, c'est parti. J'espère que ça va décrocher, hein, parce que là... C'est la valise RTL. Ce soir, on a de la chance, hein, au niveau des numéros. Allez, mon cher Antoine. Ça, c'est mes 5 pouces, tu le sens. C'est toi qui as écrit. Hein? Allez. Bon, on laisse une dernière sonnerie et on raccroche. Car je le sens pas, voilà, ok. Ça se trouve, ça venait de décrocher en fait. Allez, on appelle du côté de Fleurus. Je rappelle que c'est la Saint-Antoine. Et c'est parti, le dernier numéro. Oh. Oui. Oui, on appelle. Ah. Je me déclare. Pardon. C'est un son qui est parti tout seul. Gainsbourg dans ce corps. Victime. Ouais. Allez. Allez, Jacqueline. Ah, c'est déconné, j'ai mal. Allô? Allô, bonsoir, madame. Oui? On ne vous dérange pas? Ça dépend. Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle sur Hilar FM. Oh, excusez-moi, monsieur, mais ça ne m'intéresse pas. On vous souhaite une bonne fête, comme c'est la Saint-Antoine. Bip. Merci. Ok. Ça fait mal. Sois gentil avec les gens et ils te le rendent en mordant. Eh ben. Tu sais que moi, on m'appelle comme ça, je fais « Oui, allô ?» Puis je raccroche direct. Hein. En si fait, ça parle pour ça. Hein. Ben pourquoi? Ça m'intéresse pas. Ça donc je fais de la radio, mais ça m'intéresserait pas. Mais non, mais genre, moi, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça pour chez moi. Ah oui, parce que ça te dérange durant que tu fais toutes tes... Bah déjà, je cuisinais. Déjà, tu vas te calmer. La mousse au chocolat. Ah oui, c'est ça. Sans œufs. Sans œufs, important. Chips, tu peux plus parler. C'est possible sans œufs? Oui. Non. Ah. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle. Ça ne vous dérange pas? Si, absolument, oui. Ah, merci. Bon bah je vous souhaite une belle soirée, une bonne fête, c'est la Saint-Antoine. Putain, deux d'affilée qui me raccrochent au nez quand je leur souhaite une bonne fête. Putain. Oh lui il m'a fait rire par contre. Merci. C'était une violence, c'est vraiment... Oh si, absolument, vous me dérangez. Oh la vache, c'était d'une violence. Oh. Allez, on enchaîne. On s'en appelle un dernier avant de s'écouter un titre là, dans quelques instants. C'est parti. Johan, on appelle du côté de Binche. D'accord. Tu connais des gens à Binche? Oui, Gilles. Oh oui. Putain, je connais une personne. Allez. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle sur Hilar FM. Madame? Oui? Oui, nous sommes en direct à la radio, ça ne vous dérange pas? Bah écoutez, je n'ai pas l'habitude, je préfère pas. Bah, au revoir. Mais attendez, je vous souhaite déjà une bonne fête parce que c'est la Saint-Antoine. Aujourd'hui? Oui, c'est la Saint-Antoine aujourd'hui. Ah bah c'est à mon mari alors. Ah bah alors on le souhaite à votre mari, vous transmettrez. Ben je vous remercie. Et voilà, et on vous laisse... Bonne soirée. Ok, merci. Bah une bonne soirée à vous, au revoir. Il faut couper court à la conversation. Jamais 203. Ouais, mais c'est ça. Elle a dit qu'elle n'aimait pas. Oui, elle, oui, voilà, on va dire. Je respecte ça à 100%. C'est déjà bien qu'elle ait continué. C'est ça, oui, et qu'elle a écouté quand même mon bonne fête et que... C'est vrai. J'adorais ce moment. Allez, on appelle le dernier de la soirée. Si vous le voulez bien, c'est parti. J'aimerais quand même jouer avec une dernière personne. On a encore des mots qui n'ont pas été devinés. On appelle toujours du côté... Ah non, du côté de Soigny. Merci. Vous êtes gentil. Vous me le sortez de l'antenne quand c'est comme ça. Joanne, On appelle encore du côté de Charleroi. Tu connais des gens à Charleroi? Pas du tout. Pas du tout? Ah si, Charles. Il va tous nous les faire pour tous les patelins. Ah oui, c'est le roi Charles. Voilà. Ouais, c'est pas la meilleure. C'est dur hein, les soirées. Hein. C'est dur. Et on est là normalement pour vous aider à passer vos soirées d'été, mais là. On les endure. On les endure. C'est ça. Allez, à Charleroi, normalement on a le téléphone et l'électricité. Je t'en prie, Flora, mange à l'antenne. C'est bon? On ne m'avait pas entendu jusque maintenant. Bah, qu'il y a la bouche pleine, c'est pas compliqué. Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie d'Isabelle. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Mais veuillez me laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. À bientôt. Et ben voilà, c'était les grosses têtes de Laurent Roquet pour vous souhaiter la bienvenue sur l'antenne RTL. Malheureusement, ça n'a pas décroché. La valise RTL est de nouveau en jeu. Merci d'être une fidèle auditrice d'RTL. Voilà. Ça, c'est fait. C'est de la vengeance? Oui, un peu. Non, l'usurpation, c'est différent. C'est l'usurpation. J'ai des potes à RTL. On peut pas faire ça. Si. C'est de la parodie, ça s'appelle. Ouais. Sauf que la parodie, c'est drôle. Pas tout compris dans mon message. Ouais. C'est sympa d'entendre quand même la première et la dernière de quelqu'un en même temps. Allez, ça décroche, bordel. Allez, dans la caisse à Jadoul, t'as dit un gros mot. Ouais, bah hey, le pronom de fois, t'en as dit. Je vais m'énerver, hein. Je vais décrocher, je vais faire allô, fermez votre gueule. Non, je rigole, je suis très gentil avec les gens. Ça, c'est vrai. Allô? Allô, bonsoir. Oui. Je ne vous dérange pas? C'est qui? Nous sommes en direct à la radio, madame. Pardon? Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio Hilar FM. Sur quelle radio? Sur une radio dans la province de Luxembourg. Pour que faire? Ben, justement, pour vous faire jouer au jeu des cinq mots, car c'est la Saint-Antoine. Et déjà, je tenais à vous la souhaiter, bonne fête, et savoir si ça vous intéresserait de, sur un chrono de 30 secondes, deviner les 5 mots que j'ai ici. Non, merci monsieur. Bah, merci c'est, monsieur. C'est rien de compliqué, hein, madame hein. Non, c'est rien monsieur, quand on est âgé, on ne fait pas de ces histoires-là. Oh, monsieur, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle merci. Soirée, au revoir. Merci. Elle est âgée? Vous êtes sûr? Bah, je sais pas. Ils ont tout ça, ils ont plus la voix. Je sais pas. Comme la fois on avait appelé quelqu'un ici dans cette émission et le type disait bon écoutez, moi je suis plus bon à rien. J'étais là, mais non monsieur, ça c'est votre baratin. C'était trop sympa. Mais d'ailleurs tous ces moments-là sont à réécouter en boucle sur. Tu fous de ma gueule Flora. T'ouvres des canettes, tu bouffes des petits beurres, tu joues avec une pince. Mais t'es une tête à claque. Oh là là. J'ai soif, désolé. Bah bois, je t'en prie. Attends, moi je vais boire aussi à l'antenne. Attends, ça va être marrant. Oui. Ah c'est bon, voilà. Sauf que moi je fais pas de bruit. Non mais c'était pour pas laisser de blanc à l'antenne. Sinon il y a le disque de secours qui part. Intelligente cette fille. Allez. Dernier. Joanne, tu m'empêches d'en rappeler hein, si jamais ça répond pas. Parce que je pourrais le faire toute la soirée ça. Oui. Faut savoir que Thomas aime beaucoup faire ça. Oui. Un peu trop même. Même chez moi quand je le rejoins. Ah sauf qu'il faut du rythme aussi dans une émission. Allô. Allô, bonsoir monsieur. Oui. Nous sommes en direct à la radio au moment où je vous parle. Oui, qu'est-ce que vous êtes qui? Alors, moi c'est Jazoul, je suis en direct de 20h à 22h. Et comme c'est la Saint-Antoine, je tenais déjà à vous souhaiter une bonne fête, mais surtout à vouloir vous faire jouer au jeu des 5 mots pour gagner un cadeau. Oui. Voilà, donc on va partir pour 30 secondes et avec les indices que je vais vous donner, vous devez deviner le mot en question, d'accord? Oui. Allez, c'est parti, on part pour 30 secondes. Alors, c'est quelque chose qu'il y a dans un jardin que l'on peut creuser soi-même, où il y a de l'eau. Oui, un puits. Pas un puits, il y a de l'eau, il y a des canards dedans. Une mare. Une mare, un étang, je prends. C'est quelque chose qui sert au facteur. Un chien. Non, au facteur, un. Pour mettre les enveloppes. Comment? Pour mettre les enveloppes. Une boîte aux lettres. Bonne réponse. C'est quelque chose dans lequel vous mangez. Dans lequel, quoi? Dans lequel on mange. Un truc plat qui sert à mettre les aliments dessus quand on mange. Une assiette. Bonne réponse. Avant-dernier mot, c'est un animal blanc et noir, assez volumineux. Une vache. Non, ah bah, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Il y en a beaucoup en Chine. Ouais, beaucoup en Chine. Un panda. Un lama. Non, c'était un panda, c'est pas grave. Et le dernier, ah, c'est quelque chose qui servait dans les années, il y a quelques années, pour écouter de la musique dans les bars. Un jukebox. Bonne réponse. Waouh, vous êtes fort. On a dépassé les 30 secondes malheureusement, mais vous avez quand même réussi à deviner le dernier. Je suis assez étonné et c'est dommage pour le panda, c'est dommage. On vous souhaite une très belle soirée monsieur et encore une bonne fête. Merci. Allez, au revoir monsieur. Ok, voilà, donc monsieur a joué avec nous au jeu des 5 mots. C'était le dernier jeu des 5 mots de la soirée et on peut dire que les Antoine sont doués déjà pour nous répondre et surtout ont pu réussir. Plus que les Thomas en tous les cas. Plus que les Thomas. Oui, quand on les avait appelés, c'était une catastrophe. Hein. Oh là là. Une catastrophe. C'était quand les Thomas? C'était mardi? C'était mardi, oui. Oh là là, quelle galère. Et hier, en fait, c'était quelle fête? C'était la Saint. Merde, j'ai la feuille d'hier en plus. Attends, c'était la Saint. Ah, je m'en souviens plus. Déjà. Bah ouais, non, oui, c'est sélectif. Allez, donc on vous rappelle qu'on est dans l'avant-dernière émission de l'année. Donc j'espère pour vous que ça vous plaît et que, en tout cas, vous passez une belle soirée. En tout cas, vous êtes chaud, vous passez une belle soirée? Oui. Oui. C'est quoi ce week-end? Non, du tout, il est endormi. Il est endormi en fait, du coup, okay. Ça m'a réveillé. C'est ça, c'est ça. Vous êtes une très belle soirée, vous êtes dans Jadoul. Merci d'être là, nous sommes en direct. Oui. Lady, give me tonight. Quel bonheur, goodbye à l'antenne de Milard FM. Allez-y, parlez, hein. Je reprends l'antenne, c'est pas bien grave. Bonjour. Hein. On fait comme chez nous. Et il faut savoir que c'est deux porcs, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Deux porcs. Je lance le titre, hein. Donc on arrive à la fin de la nappe là, qu'on avait fait. Donc voilà, je lance le titre et on s'écoute ça maintenant. C'est la fin de la nappe, il y a le titre qui se lance et eux, on n'est plus à l'antenne. Il rote, mais il faut des concours. Je vous le dis, elle a mangé des tartines aux chèvres avant de venir, j'ai l'impression que la chèvre est revenue en entier. Les fenêtres sont ouvertes ici parce que oh, la vache, on est en train de décéder. La vache, le chèvre, t'as tout compris? Oui, j'ai compris, merci. Magnifique. On est et bon. La ferme, tu comprends aussi. Ouais, mais je vous le dis ici, c'est la fête du slip, on fait tout et n'importe quoi. Jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. Jusqu'au petit jour. Alors, je pensais que ça allait continuer. Bon, c'est pas grave. Il nous reste encore tellement de news. Je pense que je vais pas tous les faire, que ça commence à me gaver. On en a encore pas mal. Mais je vais faire le jeu des 5 mots avec Johan tout de suite en direct dans cette émission. Oh, la tête de Johan. Non, je suis prêt. Je suis au taquet. Surtout qu'il s'est réveillé. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai surtout cru que je vais parler avec quelqu'un. Explique-nous le principe du jeu des 5 mots. Alors, tu me donnes des définitions, je vais trouver les mots. C'est ça. Simplement. En moins de 30 secondes. Et il faut tirer des boules dans les côtés. C'est mon jeu de télévision préféré. Maintenant, je vais découper ce que Joanne vient de dire. Attention à la boule noire. Et je vais pouvoir le mettre dans mon cartoucheur de cette manière-là. Allez. Et là, Joanne est en train de se dire... Micro de merde. Allez, on y va. Émission de merde. Non, ça, j'ai pas ça, tu vois. J'ai juste... Hilar, c'est bien le nom. Ah non, j'ai un petit message pour toi peut-être. Non, non, non, appelle Rabdassé. Ça te plaît? J'ai vu mieux. Ouais, c'est ça. Allez, Flora, n'oublie pas. Les hommes aiment votre poitrine. Je sais. Et on me dit que c'est trop long. Ouais, j'arrête. Et c'est parti, on y va. Le jeu des 5 mots, je t'en prie, là c'est le jingle. Le jeu des 5 mots. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Est-ce que tout est prêt? Oui. Allez, c'est parti. Je retrouve ma feuille. Retrouve-moi ta feuille. Il vient d'où cet accent? De loin. De partout et d'une part à la fois. Alors après, on parle du bien, mais... Regardez dans vos feuilles, là, si j'ai pas laissé la feuille avec les 5 mots. Sans la lire, évidemment. Ah oh, ouais, elle est là, merci beaucoup. Il a été honnête, il m'a donné sans regarder. Attention, c'est parti. On y va. C'est parti pour 30 secondes. Non, pas ça, merci. Oui. On l'entendra en fin d'émission parce qu'il faudra faire gagner la cassette de Jadoul. D'accord? Oui. Allez, c'est parti. 30 secondes. C'est quelque chose qui est chez les femmes qu'on s'amuse à décrocher durant les mariages. Pour Jean-Cel. Bonne réponse. c'est quelque chose qui est dans le ciel. Des nuages. Non. Du soleil. Non. Des oiseaux. Non. Bah. La lune. C'est ce qu'on n'est pas. Ah, une lumière. Non. Non, pardon, excusez-moi. C'est une étoile. La lune. Excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, elle passe son, sa délivrance dans le fond, ça. Voilà, c'est ça. Merci de citer une marque à l'antenne. Coca. Super d'un coup. Voilà, c'est bon, on en cite plein. Par la fenêtre, par la fenêtre. Par la fenêtre, par la fenêtre. Le fond a rempli. Qui passe. Mince. La boisson. Un mouchoir. Je vais renverser tout son fantasme sur son jeans. Allez, un mouchoir. Du coup, mon jeu est 30 secondes. Ah oui, bah attends, ça attendra. Écoute, il y a une urgence là. Oui, il y a de l'essuie-tout sur le plateau d'à côté. Johan va le chercher. Non, c'est... moi je fais mon jeu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Flora y va elle-même. Bah oui. C'est elle m'a faute. Violé. C'est de sa faute en soi. Oui, c'est la faute à Flora déjà. Oui. Allez, bon. Mais si, là-bas, dans le studio d'à côté, sur le plateau C. Oui, on va pas voler ton téléphone. Elle refait le tour de la table pour prendre son téléphone. Oui, oh là, elle est bien mouillée. Oh la vache. Bah, tu sentiras le fort. Mais non, ne ferme pas. Bonne émission, pas. Sans Flora. Allez. Elle est passée derrière moi. Elle vient de donner un coup de pied dans la porte en mode je reste avec vous dans l'émission. Tu veux un micro sans fil? La lampe, pas besoin de lampe. À droite, la lampe. Tu t'en sors? Je veux bien partir avec un micro sans fil. Hein. Bon, ça y est, les deux sont partis, je me retrouve seul dans le studio. C'est incroyable, je vous le dis. T'as fait tomber quelque chose? Une balle, non? Ah, bon. Voilà, elle a de l'essuie-tout, c'est parfait, bravo. Je vais nettoyer le sol. Ah, ben voilà, tu vas nettoyer le sol, tu vas servir à quelque chose. Donc, le mot à trouver, Joanne, c'était étoile. Bah oui, après, je le dis après. Pardon? Je le dis par après. Ah oui, d'accord, ok. Pas après, mais après le gong. Du coup, maintenant, continuons. Bah non, c'est fini, c'est perdu. Mais ça dit, on s'est vachement bien marré. C'est juste que, à mon avis, les voisins, ils vont rien comprendre. Ils voient des trucs passer par la fenêtre. Et les gens de TMS à l'étage en bas, ils voient des choses passer devant la fenêtre du bas. Et ils se disent, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il y a des canettes qui volent? Non, c'est vrai, c'est gros dégueulasse d'en haut. Ils doivent se dire ça. Ça va, le nettoyage, Flora? Ça va très bien. Merci. Il fait chaud, hein, il fait chaud ici. Il fait 28 degrés 6. On est au bout du rouleau, je vous le dis. Ah là là. Mais il reste un peu de froid, t'as. Comment gâcher la boisson inutilement? Ouais, bah on l'a pas gâchée. Elle est tombée par inadvertance parce que je pensais que la canette était vide. Par inadvertance. Je l'ai juste pris et je voulais la jeter. Alors qu'elle était remplie. Oui, c'est vrai. C'est pas bien. Je m'en veux terriblement. En tout cas, ça va vous? C'est ton son qui va coller après. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, Josh? Je me suis fait un coup dans l'œil. En fait, le gars, il se faisait du vent avec mes anciennes fiches. Alors, du coup, il était là. Il se faisait du vent. Donc, déjà, ça fait du bruit à l'antenne. Et alors, en plus, il se plante la feuille dans l'œil. Voilà. C'est dingue. Mais quelle émission ce soir, quel bonheur. Oh là là, ça fait tellement du bien. Ouais, bon, la vieille, là, elle est en train de se plaindre. On a un enregistrement. Rendez-moi mes gants! Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein! Oui, c'est moi qui les ai plantés! Plantés! Oui, c'est à moi! Ah, c'est pas toi, ça? Allez, ça va aller, Flora. Tu t'es vengé? Non, tire-toi avec ça. Non, reste, il y a la console et tout. Pas de truc mouillé ici. Mais tu t'es. Hé, je t'ai quand même donné un blessure. J'ai les mains qui collent maintenant, bravo, félicitations. Bon! C'est moi, fini. Oui, les chaussures, le pantalon, le sol. Le sol. Ça va? Le sol qui colle. Il y a tout qui glisse. Il y a tout qui glisse, le sol qui colle. Bienvenue, tu veux un kebab? Oui, d'ailleurs, tu me payeras un kebab après. Oui, bah voilà. Comme ça, t'arrêteras de me réclamer de l'argent parce que tu vas payer une fois un verre et 6 mois. Ah, mais ça, j'avais oublié en fait. Tu me viens de me le rappeler. Merci. Allez. Bon. Vous oubliez la vie autour de vous, là. Elle existe, elle fonctionne. Ah. Ouais, j'en ai ras le cul. Allez, coup de pelle pour toi, Flora. Coup de pelle pour toi, Johan. Voilà. Double coup de pelle, d'ailleurs. Et un coup de pelle pour moi. Est-ce qu'on est bon? Si. Allez, on enchaîne. C'est parti, on continue cette émission qui jusqu'ici ne ressemble à rien. Non mais, Pilar, c'est bien. Mais tais-toi. Il est parti sans faire exprès. Oh putain. Ça va rien. Merci. Quand j'entends cette équipe, je vous jure que la seule chose qui... La seule chose qui me vient à l'esprit de, quand je vois cette équipe, c'est quand même... C'est la délivrance. C'est juste ça, c'est cette musique-là. Merci Florent, merci Joanne. J'en peux plus. C'est l'animateur de colo qui garde les petits enfants qui sont turbulents. J'en peux plus. J'ai le monsieur à réparer le micro. C'était quoi cette voix? Tu sais qu'on est diffusé en FM aujourd'hui, hein. On nous entend dans les voitures et tout ça, hein. Je dis juste ça comme ça. Si vous entendez, faites des warnings. Faites des appels de phare. Oh putain, j'ai encore pété le truc. Bon, écoute, on la sort de l'antenne, Johan, on fait l'émission entre nous. Bien sûr. On la remet à l'antenne dès qu'elle a fini avec son micro. Donc jamais. Voilà, ou alors je vais chercher un autre pied de micro que tu poses sur la table. Ah voilà. Ça tire. C'est fini. Ok, merci. Oh putain. Oui, c'est pas grave, c'est moi qui ai un petit peu monté le micro trop. Allez, on y est, c'est bon. On arrive à la moi, fin. Moi, je peux pas faire le jeu des 5 mots. Ben non, j'ai plus de mots. T'es folle. Ou alors, tu en écris un, tu me le fais. Flora, je suis prétentieuse. Oh là là, quelle vanne ici. Je suis prétentieux, je suis petite. Et je porte une jupe. Ouais, mais c'était avant-hier, ça. C'était autre chose. Bon, un petit message de la part des gens qui ont recruté Joanne. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, Johan, j'espère que t'es en forme. Oui, bien sûr que oui. On aura beaucoup de choses qui vont suivre dans cette émission, tu le sais ça. Il est quelle heure? Quelle heure est-il, Johan, précisément? 21h33. Merci. Est-ce que tu peux nous le refaire en mode chef de gare? Alors, voie 1, bienvenue là. Le train direction de Arlon à 21h33, voie 1. Alors, tu sais pas le faire. Je vais vous dire comment on fait. Déjà, c'est 37. Merci. Voie 1, le train hissé à destination de Namur et Bruxelles Midi de 7h37 arrivera dans quelques instants. Voie 3, ce train s'arrête à... Bon, on va rester... Voilà. Mais... C'est tout un travail. Marbehan, Libramont. Merci. Rochefort-Jumel, Marlois, Ciney, Namur, Ottigny, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schumal, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Midi. Voilà, bienvenue dans l'asile psychiatrique de Hilar FM. Vous voyez, on garde des gens qui sont pas destinés à la radio. Il y en a qui sont boulangers, maçons et tout ça. Et on les réunit et on leur offre un travail. On fait du travail, du bénévolat. C'est exceptionnel. J'ai une question, Thomas. Est-ce que la Croix-Rouge travaille en collaboration avec la police? Ce soir, c'est l'avant-dernière. C'est dingue, ce jingle-là. Donc... La question que Joanne a posée en reprenant l'antenne, redis-la une dernière fois. Est-ce que la Croix-Rouge travaille en collaboration avec la police? Il faut savoir que ça va faire maintenant je sais pas combien de jours qu'ils me pètent les avec ça. Donc du coup, je vais demander carrément à la Croix-Rouge. Car ça va faire maintenant 3 jours qu'ils me posent la question en boucle. J'espère qu'il y a quelqu'un à cette heure-ci. De toute façon, on va pas appeler longtemps, j'aime pas monopoliser la ligne. Bienvenue sur... Ah merde, bon, c'est bizarre. La Croix-Rouge, son répondeur. J'y crois moyen. Allez, bref, on oublie. Attends, tu crois que c'est comme ça? Non, mais d'ailleurs, si un auditeur nous écoute et qui travaille à la Croix-Rouge, il peut nous aider. Oui, il peut nous appeler, car il faudrait élucider le problème de Johan, qui est actuellement... on n'arrive pas à le résoudre, c'est ça qui est embêtant. Donc on va essayer d'appeler la suite des numéros pour la Croix-Rouge. Ah, mais il le fait vraiment? Bah oui, bien sûr. Attends, il faut quand même qu'on arrive à élucider ce mystère. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai animateur, parce qu'il fait de l'improvisation. Bienvenue à la Croix-Rouge de Belgique. Nos bureaux sont actuellement fermés. Oh, mais vous faites chier! La Croix-Rouge, quel monde de flemmard. Mais il est 21h40 aussi. Hein. Ouais. Mais je les embrasse et félicitations à eux pour tout le travail qu'ils font. On les respecte. C'est quelque chose de dingue quand même, la masse de travail qu'ils ont à faire, surtout dans les matchs, par exemple, durant les grands écrans et tout ça, c'est juste dingue. Les gens bourrés et tout ça. Voilà, les Johan et tout ça, c'est juste exceptionnel. Ouais, les gens qui connaissent pas leur mère, ça arrive très souvent. C'est ça. Et attention, on arrête tout parce que, je vous le dis, moment important. Johan a des talents qu'il nous avait cachés et il sait faire la voix d'une fille qui a une voix grave, un peu cassée comme ça. Il l'a fait. Et je excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas une cigarette, s'il vous plaît? Il a réussi à la faire une fois dans sa vie, mais depuis plus jamais. C'est tellement bien sorti que c'était au fumeux, mais c'était directement. Voilà, parce qu'en fait, il a croisé une fille au match, voilà, après le match, et j'étais là, et la fille, elle fait excusez-moi, quelqu'un n'aurait pas une cigarette, mais avec la voix cassée et grave, une belle voix de femme, quoi. Une belle voix. Yeah. Voilà. Alerte info. Voilà, voilà. Orthophoniste. Voilà. On l'a pas bien entendu, l'alerte. Voilà, comme ça tu t'en rappelles. Non, mais donc, faut savoir que cette fille, elle parlait comme ça, et directement Johan derrière, il redit la même chose, mais alors avec la même voix, pile. Et c'est exceptionnel. T'arrives à faire la voix d'une fille grave, comme ça, un peu cassée? Non. Non? Genre, excuse-moi, vous n'auriez pas... non, t'arrives pas? Non. Ah, c'est dommage. Vous n'aurez pas une cigarette, s'il vous plaît? Non, ça fait juste un mec qui a envie de... Il a faim, il a faim. Ça va? Tu coloris la canette de Fanta? Oui. Ça y est, la colonie continue. C'est toujours les vacances. Les jolies colonies de vacances. Il faudrait que je le garde à portée de main quand même, ce petit son-là, parce qu'il va nous sortir de beaucoup de situations, je pense. Ça va, Flora? Tu fais la gueule, là, ou ça se passe comment? Hein? Tu fais la gueule? Non, je suis fatiguée. Ah, ça se voit pas. Allez, le plus important, c'est que tu te sens aimée. Bisous, bisous, bisous. Et on t'embrasse, on t'envoie de l'amour. Ça va peut-être te rebooster pour la suite de cette émission. Ça y est, je suis rebique. Voilà. Ça va à quelque chose de sortir cette cartouche. Bon, voilà. C'est... Pan, pan, pan, je mettrai bien une cartouche. Ce n'était pas la meilleure, c'était le moment gênant de l'émission. Bienvenue sur Hilar FM avec Jadoul. 20h, 22h. On fait des malaises. Tout le monde s'éclate. À la gueule. Mais non. Vous n'avez pas compris le délire. Bon, c'est pas grave. Ah si, mais j'aime bien cette musique du coup, voilà. Voilà. Et peut-être que d'ici la fin de la soirée, elle parlera carrément en dehors du studio, comme ça elle sera bien loin du micro. Jadoul, même l'été, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Hilar FM. J'ai quand même jamais vu quelqu'un d'aussi avachi sur le bureau. On se redresse? Parce que là, enfin, je sais pas comment elle... On dirait les dauphins au Marie des Landes, quand ils veulent la croquette, ils se mettent comme ça, penchés. C'était quoi ça? Je sais, tu sais, le dauphin aussi. Ah là. Mais c'est pas ça le dauphin. Par contre, Johan sait faire le chien. Voilà, voilà. On y croirait. C'est pas parce qu'il... Ouais, quand même. C'est pas ça, mais il commence à m'inquiéter. Les jolies colonies. Ça attaque quand même la radio. Tu sais, c'est pas parce que t'enlèves ton poste. Entre ça et la musique d'X-Files, je sais pas. Les deux. Les deux, ouais, les deux en même temps, il y a peut-être moyen de faire un délire. Parce que ça commence sérieusement à m'inquiéter. Bon, on y va, on continue si on peut peut-être y arriver. Ouais, c'est vrai que les deux, ça serait marrant. Non, ça donne rien. Non, parce que l'autre, elle prend plus. Ouais, voilà. Donc, du coup. Ah bon, elle prend plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis pas tout ce qui se passe. C'est pas grave. On a juste celui qui prend plus. Everybody, everybody, let's get into it. Get J'adore faire la musique après couper en mode bon, qui c'est qui va avoir l'air con. Moi je l'ai fait une fois, mais c'était sur la chanson Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Ah oui, ouais, mon Dieu. C'était dingue. Et donc du coup, qu'est-ce qui était dingue? Ben cette histoire. Elle a fait l'amour avant de le dire adieu. Ah oui, d'accord. Écoutez, je vais reprendre ce que a dit un grand homme. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Coluche, merci. Allez, c'est pas grave. Il va finir sous un camion. Qui? Bon. Moi? Non, allez. Non, allez, on embrasse tous ceux qui sont en voiture avec nous par la radio. Attention sur la route. Attention, évidemment. Et surtout évidemment, quand Florent roule. Celui qui ne boit pas, c'est celui qui ne conduit pas. Et eux. Hein? Putain. La consommation d'alcool, les a consommés. Quoi, consommés. Alerte. Oh là là. Maman. Donc, je vais refaire la prévention routière correctement. Attention, si vous comptez boire durant les vacances, ne prenez pas le volant en même temps que de conduire. C'est très important. Je prends le volant, mais je conduis pas. Je prends le volant pour regarder le paysage. Je suis juste à l'arrêt. Je suis à l'arrêt, à la place du conducteur, mais sans conduire. Colonie de vacances. Merci maman, merci papa. Putain. Celui qui conduit ne boit pas, tout simplement. Alors... Oui, je suis beau, hein. Non, ah putain, le sol il colle. Oui, quand on renverse du Fanta. Merci à Thomas Jadoul. Ouais. Merci à la marque. Tu vois, on l'a dit tellement de Nestlé, fois. Quoi, voilà, c'est cas. Ça. Non mais. Capricorne. Vous vous rendez compte, c'est bien pour ça que je peux pas continuer cette émission en self-off parce que je me concentre sur la réalisation, du coup je dis des conneries. Donc je rappelle, désigner le Bob, c'est celui qui ne boit pas et c'est celui qui conduira la voiture au moment où vous repartirez de soirée. Donc comme ça vous pouvez picoler, mais lui il reste sobre pour conduire correctement. Et d'ailleurs c'est ce que vous faites tous parce que vous êtes chacun dans votre voiture, donc vous ne picolez pas ici pour une fois. Ça vous va? Je bois en rentrant. Ça y est, elle va sortir le pinard. Elle va encore picoler. Maman, c'est moi un verre de Ricard, s'il te plaît. Non, moi c'est plutôt Metrank. Vous savez que Johan, une fois il était tellement saoux, on a été dans un kebab. Ah avec ouais, lui. Donc maintenant ça lâche les dossiers à l'antenne. Bah bien sûr. Allez. Jolie colonie de vacances. Merci maman, merci papa. Allez, on va y arriver. Nardine Bouk-Dazik Babek. Je suis réactif, hein. Vous pouvez pas me coller. Allez, Johan était tellement saoul, je vous explique, il était en train de manger avec nous un kebab parce que après avoir bu comme un trou, il fallait évidemment qu'il boive, étant donné que ça assèche. Qui boit? Non, qui mange. Okay. Parce que je crevais de faim, tout simplement. Voilà, il crevait de faim, alors du coup, on a été manger un kebab avec lui. Et alors du coup, il a mangé, il nous a demandé 6 fois où il était. Et il se demandait tout le temps, on a payé ou on n'a pas encore payé? Non? Qu'est-ce que... Mais c'est bien, au moins, même en étant bourré. Oui, je suis honnête. Voilà. Il serait barré sans payer. Non, pas du tout. Je dormais. Je sais pas si c'est mieux. Et donc, on en était où? Ah oui. Tellement dans son délire, on refait encore un tour de la ville. Et alors, il croise une dame qui l'arrête et la dame fait... Je peux le raconter ou pas? Maman, si tu m'écoutes, ce n'est pas ce que tu penses. Il y a une dame qui l'arrête dans la rue et qui dit « Bah alors Johan !» Il se retourne après 4 secondes d'inactivité cérébrale et il se retourne vers la dame. Il a des visages durant au moins 4 bonnes grosses secondes et il lâche un petit « Mais madame, qui êtes-vous ?» Et là la dame répond « Mais Johan, je suis ta mère !» Il a pas reconnu sa propre mère. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le rappelle, c'est important. Oh là là, quelle émission, c'est dingue. On en a fait des délires. Je vous le dis, c'est pour ça que je prends des amis à l'antenne, parce qu'on a toujours des conneries à raconter là, comme ça. Non, c'est pas des coquilles, c'est des dossiers, c'est différent. C'est des dossiers. Le but, c'est de nuire à la personne. Non, mais si. Comme ça, vous ne mettrez pas que vous avez travaillé ici sur votre CV, comme ça les gens n'iront pas réécouter. Merci maman, merci papa. Elle a calé là-dessus. Oh là là, vous êtes dans Jadoul, c'est l'avant-dernière, on est complètement déchaîné. Voilà. Faites un fou rire, non? Ah ouais, ouais, mais... Non, non, j'étais vraiment en train de m'étouffer parce que j'arrive pas à tenir la note. Donc j'étais là, la dernière... J'étais au bout du rouleau. C'était une horreur. Bon, mais le plus important, c'est qu'on puisse se marrer. Comme ça, c'est la fin de la saison, on claque le budget en faisant des musiques et voilà. C'était peut-être pas la meilleure idée de la saison, mais voilà, on va peut-être acheter des pieds de micro à la place de faire des musiques. Oui. Oui. Ou alors retirer l'émission tout court, tout simplement. T'es gentil, toi. Parce que je suis en pleine négociation de la rentrée, il y a rien qui est fait, et l'autre il est en train de dire, ça serait peut-être bien d'arrêter l'émission. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous demande de vous arrêter. Ah, je l'ai pas celui-là. Oh oui, il faudrait que je le mette. Je vous demande de vous arrêter. Ben voilà, je vous retourne la phrase. Ah, j'en peux plus. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Le plus important, c'est que nous sommes maintenant en direct pour écouter un hit que Flora a choisi, a sélectionné. Ça va être pour toi, c'est ton moment maintenant, d'accord? Oui. Allez, vous êtes dans Jadoul, belle soirée à vous. Nous sommes en direct. Bonne soirée et vous êtes toujours sur Hilar FM. Voici Hit Sale de Thérapie Taxi. Vous êtes sur Hilar FM, belle soirée à vous. Nous sommes en direct. Et oui, c'est l'avant-dernière. Il faudra qu'on en refasse des trucs comme ça la saison prochaine, mais avec un vrai chanteur. Bon, ça vous va je pense que t'as adoré le titre, Flora, non? Sans blague. Sans blague, t'étais à fond dedans. Oui. C'était juste trop bonne. Ouais. Je sais. Johan, je peux découper ce que tu viens de dire. Non, non. Abus de pouvoir. Écoutez, c'est en exclusivité pour Hilar FM, c'est parti. Bugger nos entrailles, bugger nos entrailles. J'ai tué! Mille fois trop sexe. Tu continues à danser sur de Hudson. C'était tout à moi, tu serais mon castin. Tu continues à danser sur de Hudson. C'est plus marrant sans la musique, hein. Elle a des trous, elle sait pas toutes les paroles. Non, non. Ah oui, tu veux bien de le dire. Il y a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. Je te ferai signe. C'est un de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues. Moins d'honneur comme Othen, les autres sont blasphèmes. Oh là, le cauchemar ici, de Flora. Tout le monde déraille. T'es 100 fois trop 100 fois trop bonne. Et si tout le monde déraille, tout le monde déraille. T'es 100 fois trop 100 fois trop bonne. On va peut-être arrêter là le massacre. Mais voilà, je pense que c'est qui chante ça, Thérapie Taxi? Oui, et avec je pense Romeo Elvis. Aujourd'hui c'est rideau, il ferme la boutique, c'est terminé. Après cauchemar en cuisine, voici cauchemar à la radio. Alors je t'en prie, Johan, tout repose sur tes épaules. Je te propose tout de suite de faire le The Voice de Jadoul. Donc est-ce que tu te retournes ou pas pour Flora? Oui, il se retourne vraiment, on a la radio, hein. Oui, est-ce que tu te retournes? Oui. Oh, oui. Ça c'est fait. Je te veux. Mais pourquoi ça sert à qui? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à équiper tout un bâtiment comme celui-ci de détecteurs à incendie si on a Flora qui peut gueuler comme ça? Oh là là, je suis content, c'est l'été là. Je suis sur l'autoroute de la bonne humeur. C'est l'avant-dernière émission. On est tous remontés. Putain, c'est un truc... on l'aura compris que c'était l'avant-dernière. Hein. T'as un problème? Ah, je ne supporte pas, on dirait les Français qui répètent tout le temps la même chose. Donc là, on est d'accord, Joanne, elle a signé son arrêt de mort. Ouais, voilà, c'est fini. Allez, on passe. Belle été à vous, vous êtes sur Hilar FM. Je vous souhaite une très belle soirée. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Quand tout le monde sera dans mon maillot. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Ta fait des hallucinations auditives, je pense. T'entends des trucs que je dis pas. Allez, on en est où là dans cette émission? Quoi? 58? Non, c'est une blague. C'est la fin de l'émission. Non. Si, je te jure, là, on y va. Je suis choqué. Ça va vite, quand même. Oh, putain. Je pense que c'est la première fois de ma vie que l'émission est passée aussi vite. Je l'ai pas vue passer. Donc, c'est-à-dire que elle était là. Au début, elle me disait. Elle me dit au revoir. Donc après, à la fin, c'était les jolies colonies de vacances. Ça, c'était pendant, mais là, c'est surtout. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Ça va, Flora? Qu'est-ce qui se passe? Oui, dis-moi. Mais c'est la fin. Elle dit plus un mot. Ah, d'accord, elle est contrariée que j'ai voulu parler en tant qu'animateur dans cette émission. Ouais, d'accord, elle est contrariée. Bah, princesse Flora, écoutez, il reste plus qu'une minute d'émission. Donc, avec tout l'amour que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez dire le dernier mot? Même pas? Bon, voici le dernier mot de Flora Schaap pour vous en direct. T'as bugué nos entrailles. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est un enregistrement d'il y a quelques minutes. Mais écoute, tu ne dis plus rien, il faut bien qu'on improvise. Hein. C'est fini? Plus un mot? Terminé? Tu sais que c'est ta dernière de la saison. Hein. T'es sûr de ce que tu fais? Bon, bah tant pis pour toi. Allez, hop là, je te sors de l'antenne. Là, j'étais sorti de l'antenne. Ok, bah voilà, ok, c'est bon. Elle est dingue, hein. Elle est dingue. Bon, il reste plus que nous deux. Bah oui. Allez, c'est le... Comment ça s'appelle le jeu, là? Le qui est-ce? On en élimine après. Après, on voit qui il reste. Allez, on devait écouter le dernier morceau complètement dingue qu'on a composé pour vous cet après-midi au bureau. Allez, c'est parti. Ça va être complètement dingue. Préparez-vous chez vous. Ne faites pas de crise d'épilepsie, s'il vous plaît. C'est la bonne dernière. Exceptionnel. Il était à fond dans la musique, lui, il voulait continuer. Ça va, Johan? Ah, t'es le temps plus non plus. Tu fous de ma gueule. Elle t'a passé un billet, c'est ça? T'as tout compris. Ok, merci. Allez, vous êtes toujours dans Jadoul et on va rendre l'antenne maintenant, si vous le voulez bien. On écoute une dernière fois, là, s'il vous plaît. Non, pas celui-là, l'autre, celui que j'aime bien, là, avec The Final Countdown là. Prononce déjà ce titre là en anglais parce que moi j'y arrive pas. The Final Countdown. Oh, quel talent pour l'anglais. Allez, c'est parti. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah, ça va me manquer, ça durant les vacances, je les garderai sur mon iPod. Bon, allez, on va rendre l'antenne, Johan. Ta première expérience à la radio, quelle est ta conclusion? Dur. Dur. Non. Non, au début, c'est vrai. Au début, c'était dur. On a un peu ramé pour que ça y aille. Non, après, ça a été. Et après, ça a été, hein, c'est comme avec les filles. Faut bien préparer le terrain, oui. Mais faut préparer. Mais pas marquer son territoire, Johan. Bah si, je pisse sur la mer, bien sûr. Comme un petit chien, j'ai pas mon petit. Tellement charmant. C'est génial. Coup de pelle de la part d'une fille. Voilà, comme ça c'est fait. Et le pire, c'est qu'à chaque fois il mime, donc là, il a fait genre de s'évanouir, il est dingue. Oh là là, quel bonheur. Bon, je vous le dis, c'est la première fois que l'émission passe aussi vite. C'est genre bonjour, au revoir, quoi. J'ai rien vu venir. Tu radotes. Je radote, oui, mais c'est parce qu'en fait, je préparais mon générique de fin. Donc voilà, c'est des techniques d'animateur. En fait, je meuble 15 secondes pour avoir du temps de faire mon boulot. Étant donné qu'il y en a une qui est partie déjà en RTT avant l'heure. Ça va? Elle me fait oui de la tête, ça veut dire qu'elle va bien. Les jolies colonies. C'est sûr, on traîne cela. Allez, on y va. Merci Claire Chazal d'avoir été là. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Et n'oubliez jamais, c'est le plus important. La vie est belle, aussi belle que toi. Flora, le mot de la fin? Peguer nos entrailles, c'est mille fois trop sexe. Merci, c'est le dernier mot qu'elle a prononcé cette saison sur Hilar FM. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci Johan. Merci à toi Thomas. À samedi pour la dernière en direct de 20h à 22h. Bonne soirée. Hilar FM. What's the sense in sharing this one and only life? À après-demain.